Yeah! Ingris! 9-1! Crimo! Tu peux pas nous tester! Haha! Je rappe la banlieue pour lui dire que je l'aime, que sans arrêt pour elle je me blesse. L'âme de ma banlieue est bannie du paradis, rien à foutre de cet endroit, l'enfer me délivre. Mes lyrics, les corails, les jaloux, car dans mon texte y'a pas d'amour. Aucune larme ne coule de mes yeux, car ma tristesse est loin dans les cieux. C'est un bordel de banlieue sale, c'est du son qui est pire que gangsta, écoute ça. Moi je dead ça, je kick ça, je baisse ça et je casse ça. Crimo Angry sont dans le game, nos lyrics sont trop gang. Si t'es un rageux, écoute bien, t'as qu'une chose à faire, prends ce qui te sert de couilles et les ranger avant de les perdre. Viens plutôt sucer les miennes, yeah. Grigny à disconnexion, te défous, raille comme l'état, celle que font nos pailles. Voici Grigny Artiste qui sort de tes enceintes pour te baiser. Bien profond, tu risques de tomber enceinte à tis. Tu reposes dans ma ville de gangster, cherche un mec d'ici. Boum boum, tu finis par faire. Lui c'est Grigny, que dire de Grigny? Là-bas il se passe que des trucs de folie. Il y traîne des maladies, appelé et me surveille. Enchaîne les patates, t'es gonflé toutes les veines. Et la haine qui est résidentée de ghetto. Crimo et Angry sur cet instru, car c'est le micro. Nos rimes sont de la drogue dure, tu finis accro. Pas wesh wesh gros, au bordel de banlieue. Pourquoi tester, bande de rage? On pas les pecs, arrête de jouer le danger. Tu dis t'es pas une victime, donc regarde-moi dans les yeux. Je suis pas dans le game, mon rap n'est pas un jeu. Ça c'est sûr, la vie n'est pas un jeu, car sinon beaucoup d'entre nous seraient déjà éliminés. Trop de bougies ici, ils font les rageux. Ils ont le seum parce que moi je gagne sans tricher. Je veux peut-être pas percer en France, mais chaque MC qui m'écoute devient en transe. Yeah, alors pas besoin de réussir, je n'ai pas besoin d'écouter vos critiques. Le bordel de la banlieue, c'est dur, c'est la vie bleue. Le son du bitume qui fume, de ma plume qui gagne pas une thune. Le rap c'est ma pute, sans arrêt je l'encule. Pas besoin de te clasher, juste écoute mes rimes. T'as envie de te cacher, petit MC tu fais le gogol. Mais n'oublie pas que mes faces t'envoient direct à la mort. Yeah, yeah, Ingris Crimo au mic. Nous, ton rap, on le défouraille. Petit MC, t'es qu'une grosse pute. Mon rap te percute. De retour de l'enfer, voici la deuxième partie de Crimo. Je te rends mal à l'aise comme chez le génico. Par mon talent, tu te sens enchaîné comme au comico. Encore une fois, je vais détériorer le micro. Ah, notre bordel de banlieue, avoue que t'en es accro. Patate crochet, j'éclate tes abdos. Les vieux rappeurs, je vous le dis, je suis blasé. Mes textes cartonnent, je viens de les taser. Le son, tu percutes et te fais la tête au carré. Mon son et le tien se fracture. Double cassure, marche droite, gonfle pas ta carrure. Car les sommes signifient danger. Atis, Grigny, les calaches, on va pas les ranger. Yeah, 9-1, Crimo Ingris, Atis, Grigny, Connection. Teste pas.